Chapitre 3. Première révolution. Premièrement, l'autorité politique est enlevée au roi. Nous avons dit qu'à l'origine, le roi avait été le chef religieux de la cité, le grand prêtre du foyer public, et qu'à cette autorité sacerdotale, il avait joint l'autorité politique parce qu'il avait paru naturel que l'homme qui représentait la religion de la cité fût en même temps le président de l'assemblée, le juge, le chef de l'armée. En vertu de ce principe, il était arrivé que tout ce qu'il y avait de puissance dans l'État avait été réuni dans les mains du roi. Mais les chefs des familles, les patresses et au-dessus d'eux les chefs des fratries et des tribus formaient à côté de ce roi une aristocratie très forte. Le roi n'était pas seul roi. Chaque pater l'était comme lui, dans sa gens. C'était même à Rome un antique usage d'appeler chacun de ses puissants patrons du nom de roi. À Athènes, chaque fratrie et chaque tribu avait son chef, et à côté du roi de la cité, il y avait les rois des tribus. C'était une hiérarchie de chefs ayant tous, dans un domaine plus ou moins étendu, les mêmes attributions et la même inviolabilité. Le roi de la cité n'exerçait pas son pouvoir sur la population entière. L'intérieur des familles et toute la clientèle échappaient à son action. Comme le roi féodal, qui n'avait pour sujet que quelques puissants vassaux, ce roi de la cité ancienne ne commandait qu'aux chefs des tribus et des gentes, dont chacun individuellement pouvait être aussi puissant que lui, et qui réunis l'était beaucoup plus. On peut bien croire qu'il ne lui était pas facile de se faire obéir. Les hommes devaient avoir pour lui un grand respect, parce qu'il était le chef du culte et le gardien du foyer. Mais ils avaient sans doute peu de soumission, parce qu'il avait peu de force. Les gouvernements et les gouvernés ne furent pas longtemps sans s'apercevoir qu'ils n'étaient pas d'accord sur la mesure d'obéissance qui était due. Les rois voulaient être puissants et les pairs ne voulaient pas qu'ils le fussent. Une lutte s'engagea donc, dans toutes les cités, entre l'aristocratie et les rois. Partout l'issue de la lutte fut la même. La royauté fut vaincue. Mais il ne faut pas perdre de vue que cette royauté primitive était sacrée. Le roi était l'homme qui disait la prière, qui faisait le sacrifice, qui avait enfin par droit héréditaire le pouvoir d'attirer sur la ville la protection des dieux. On ne pouvait donc pas songer à se passer de roi. Il en fallait un pour la religion, il en fallait un pour le salut de la cité. Aussi voyons-nous dans toutes les cités dont l'histoire nous est connue que l'on ne toucha pas d'abord à l'autorité sacerdotale du roi et que l'on se contenta de lui ôter l'autorité politique. Celle-ci n'était qu'une sorte d'appendice que les rois avaient ajouté à leur sacerdoce. Elle n'était pas sainte et inviolable comme lui. On pouvait l'enlever au roi sans que la religion fût mise en péril. La royauté fut donc conservée, mais dépouillée de sa puissance. Elle ne fut plus qu'un sacerdoce. Dans les temps très anciens, dit Aristote, les rois avaient un pouvoir absolu en paix et en guerre. Mais dans la suite, les uns renoncèrent d'eux-mêmes à ce pouvoir. Aux autres, il fut enlevé de force. Et on ne laissa plus à ces rois que le soin des sacrifices. Plutarque dit la même chose. Comme les rois se montraient orgueilleux et durs dans le commandement, la plupart des Grecs leur enlevèrent le pouvoir et ne leur laissèrent que le soin de la religion. Hérodote parle de la ville de Cyrène et dit « On laissa à Batos, descendant des rois, le soin du culte, la possession des terres sacrées, et on lui retira toute la puissance dont ses pères avaient joui. » Cette royauté, ainsi réduite aux fonctions sacerdotales, continua la plupart du temps à être héréditaire dans la famille sacrée, qui avait jadis posé le foyer et commencé le culte national. Au temps de l'Empire romain, c'est-à-dire 7 ou 8 siècles après cette révolution, il y avait encore à Éphèse, à Marseille, à Thespie, des familles qui conservaient le titre et les insignes de l'ancienne royauté, et avaient encore la présidence des cérémonies religieuses. Dans les autres villes, les familles sacrées s'étaient éteintes, et la royauté était devenue élective et ordinairement annuelle. Deuxièmement, histoire de cette révolution à Sparte. Sparte a toujours eu des rois, et pourtant la révolution dont nous parlons ici s'y est accomplie aussi bien que dans les autres cités. Il paraît que les premiers rois doriens régnèrent en maîtres absolus. Mais dès la troisième génération, la querelle s'engagea entre les rois et l'aristocratie. Il y eut pendant 2 siècles une série de luttes qui firent de Sparte une des cités les plus agitées de la Grèce. On sait qu'un de ses rois, le père de Lycurgue, périt frappé dans une guerre civile. Rien n'est plus obscur que l'histoire de Lycurgue. Son biographe ancien commença par ces mots. On ne peut rien dire de lui qui ne soit sujet à controverse. Il paraît du moins certain que Lycurgue parut au milieu des discordes, dans un temps où le gouvernement flottait dans une agitation perpétuelle. Ce qui ressort le plus clairement de tous les renseignements qui nous sont parvenus sur lui, c'est que sa réforme porta à la royauté un coup dont elle ne se releva jamais. Sous Charilaos, dit Aristote, la monarchie fit place à une aristocratie. Or, ce Charilaos était roi lorsque Lycurgue fit sa réforme. On sait d'ailleurs par Plutarque que Lycurgue ne fut chargé des fonctions de législateur qu'au milieu d'une émeute pendant laquelle le roi Charilaos dut chercher un asile dans un temple. Lycurgue fut un moment le maître de supprimer la royauté. Il s'en garda bien, jugeant la royauté nécessaire et la famille régnante inviolable. Mais il fit en sorte que les rois fussent désormais soumis au Sénat, en ce qui concernait le gouvernement, et qu'ils ne fussent plus que les présidents de cette assemblée et les exécuteurs de ses décisions. Un siècle après, la royauté fut encore affaiblie, et ce pouvoir exécutif lui fut ôté. On le confia à des magistrats annuels qui furent appelés éphores. Il est facile de juger par les attributions qu'on donna aux éphores, de celles qu'on laissa au roi. Les éphores rendaient la justice en matière civile, tandis que le Sénat jugeait les affaires criminelles. Les éphores, sur l'avis du Sénat, déclaraient la guerre ou réglaient les clauses des traités de paix. En temps de guerre, deux éphores accompagnaient le roi, le surveillaient. C'étaient eux qui fixaient le plan de campagne et commandaient toutes les opérations. Le roi avait si peu de son droit, la direction des opérations militaires, qu'il fallut une décision toute spéciale du Sénat pour confier le commandement de l'armée à Agésilas, lequel réunit ainsi, par exception, les attributions de roi et celles de général. Il en avait été de même autrefois pour le roi Pausanias. Que restait-il donc au roi si on leur ôtait la justice, les relations extérieures, les opérations militaires? Il leur restait le sacerdoce. Hérodote décrit leurs prérogatives. Si la cité fait un sacrifice, ils ont la première place au repas sacré. On les sert les premiers et on leur donne double portion. Ils font aussi les premiers la libation, et la peau des victimes leur appartient. On leur donne à chacun deux fois par mois une victime qu'ils immolent à Apollon. Les rois, dit Xénophon, accomplissent les sacrifices publics, et ils ont la meilleure part des victimes. S'ils ne jugent ni en matière civile ni en matière criminelle, on leur réserve du moins le jugement dans toutes les affaires qui concernent la religion. En cas de guerre, un des deux rois marche toujours à la tête des troupes, faisant chaque jour les sacrifices et consultant les présages. En présence de l'ennemi, il immole des victimes, et quand les signes sont favorables, il donne le signal de la bataille. Dans le combat, il est entouré de devins qui lui indiquent la volonté des dieux, et de joueurs de flûte qui font entendre les hymnes sacrés. Les Spartiates disent que c'est le roi qui commande, parce qu'il tient dans ses mains la religion et les auspices. Mais ce sont les éphores et les polémarques qui règlent tous les mouvements de l'armée. Il est donc vrai de dire que la royauté de Sparte n'est qu'un sacerdoce héréditaire. La même révolution qui a supprimé la puissance politique du roi dans toutes les cités l'a supprimée. Il est donc vrai de dire que la royauté de Sparte n'est qu'un sacerdoce héréditaire. La même révolution qui a supprimé la puissance politique du roi dans toutes les cités l'a supprimée aussi à Sparte. La puissance appartient réellement au Sénat qui dirige et aux éphores qui exécutent. Les rois, dans tout ce qui ne concerne pas la religion, obéissent aux éphores. Aussi Hérodote peut-il dire que Sparte ne connaît pas le régime monarchique, et Aristote que le gouvernement de Sparte est une aristocratie. Troisièmement, même révolution à Athènes. On a vu plus haut quel avait été l'état primitif de la population de l'Attique. Un certain nombre de familles, indépendantes et sans lien entre elles, se partageaient le pays. Chacune d'elles formait une petite société que gouvernait un chef héréditaire. Puis ces familles se groupèrent, et de leur association naquit la cité athénienne. On attribue à Thésée d'avoir achevé la grande œuvre de l'unité de l'Attique. Mais les traditions ajoutaient, et nous croyons sans peine, que Thésée avait dû briser beaucoup de résistances. La classe d'hommes qui lui fit opposition ne fut pas celle des clients, des pauvres qui étaient répartis dans les bourgades. Ces hommes se réjouirent plutôt d'un changement qui donnait un chef à leur chef, et assurait à eux-mêmes un recours et une protection. Ceux qui souffrirent du changement furent les chefs des familles, les chefs des bourgades et des tribus. Ces eupatrides qui avaient par droit héréditaire l'autorité suprême dans leur en grec génos ou dans leur tribu. Ils défendirent de leur mieux leur indépendance. Perdue, ils la regrettèrent. Du moins retinrent-ils tout ce qu'ils purent de leur ancienne autorité. Chacun d'eux resta le chef tout-puissant de sa tribu ou de son en grec génos. Thésée ne put pas détruire une autorité que la religion avait établie et qu'elle rendait inviolable. Il y a plus. Si l'on examine les traditions qui sont relatives à cette époque, on voit que ces puissants eupatrides ne consentirent à s'associer pour former une cité qu'en stipulant que le gouvernement serait réellement fédératif et que chacun d'eux y aurait part. Il y eut bien un roi suprême, mais dès que les intérêts communs étaient en jeu, l'assemblée des chefs devait être convoquée et rien d'important ne pouvait être fait qu'avec l'assentiment de cette sorte de sénat. Ces traditions, dans le langage des générations suivantes, s'exprimaient à peu près ainsi. Thésée a changé le gouvernement d'Athènes et de monarchique, il l'a rendu républicain. Ainsi parle Aristote, Isocrate, Démosthène, Plutarque. Sous cette forme un peu mensongère, il y a un fond vrai. Thésée a bien, comme dit la tradition, remis l'autorité souveraine entre les mains du peuple. Seulement le mot « peuple » en grec « déaimos » que la tradition a conservé, n'avait pas autant de Thésée une application aussi étendue que celle qu'il a eue au temps de Démosthène. Ce peuple, ou corps politique, n'était certainement alors que de l'aristocratie, c'est-à-dire l'ensemble des chefs. Thésée, en instituant cette assemblée, n'était pas volontairement novateur. La formation de la grande unité athénienne changeait, malgré lui, les conditions du gouvernement. Depuis que ces eupatrides, dont l'autorité restait intacte dans les familles, étaient réunis en une même cité, ils constituaient un corps puissant, qui avait ses droits et pouvait avoir ses exigences. Le roi du petit rocher de Cécrops devint roi de toute l'Attique. Mais au lieu que dans sa petite bourgade il avait été roi absolu, il ne fut plus que le chef d'un état fédératif, c'est-à-dire le premier entre des égaux. Un conflit ne pouvait guère tarder à éclater entre cette aristocratie et la royauté. Les eupatrides regrettaient la puissance vraiment royale que chacun d'eux avait exercée jusque-là dans son bourg. Il paraît que ces guerriers prêtres mirent la religion en avant et prétendirent que l'autorité des cultes locaux était amoindrie. S'il est vrai, comme le dit Thucydide, que Thésée essaya de détruire les prytanées des bourgs, il n'est pas étonnant que le sentiment religieux se soit soulevé contre lui. On ne peut pas dire combien de luttes il eut à soutenir, combien de soulèvements il dut réprimer par l'adresse ou par la force. Ce qui est certain, c'est qu'il fut à la fin vaincu, qu'il fut chassé d'Athènes et qu'il mourut en exil. Les eupatrides l'emportaient donc. Ils ne supprimèrent pas la royauté, mais ils firent un roi de leur choix, Ménesthée. Après lui, la famille de Thésée ressaisit le pouvoir et le garda pendant 3 générations. Puis elle fut remplacée par une autre famille, celle des Mélantides. Toute cette époque a dû être très troublée, mais le souvenir des guerres civiles ne nous a pas été nettement conservé. La mort de Codrus coïncide avec la victoire définitive des eupatrides. Ils ne supprimèrent pas encore la royauté, car leur religion le leur défendait, mais ils lui ôtèrent sa puissance politique. Le voyageur Pausanias, qui était fort postérieur à ces événements, mais qui consultait avec soin les traditions, dit que la royauté perdit alors une grande partie de ses attributions et devint dépendante, ce qui signifie sans doute qu'elle fut dès lors subordonnée au sénat des eupatrides. Les historiens modernes appellent cette période de l'histoire d'Athènes l'Archonta, et il ne manque guère de dire que la royauté fut alors abolie. Cela n'est pas entièrement vrai. Les descendants de Codrus se succédèrent de père en fils pendant 13 générations. Ils avaient le titre d'Archonte, mais il y a des documents anciens qui leur donnent aussi celui de roi. Et nous avons dit plus haut que ces deux titres étaient exactement synonymes. Athènes, pendant cette longue période, avait donc encore des rois héréditaires, mais elle leur avait enlevé leur puissance et ne leur avait laissé que leurs fonctions religieuses. C'est ce qu'on avait fait à Sparte. Au bout de 3 siècles, les eupatrides trouvèrent cette royauté religieuse plus forte encore qu'ils ne le voulaient, et ils l'affaiblirent. On décida que le même homme ne serait plus revêtu de cette haute dignité sacerdotale que pendant 10 ans. Du reste, on continua de croire que l'ancienne famille royale était seule apte à remplir les fonctions d'archonte. 40 ans environ se passèrent ainsi. mais un jour la famille royale se souilla d'un crime. On allégua qu'elle ne pouvait plus remplir les fonctions sacerdotales. On décida qu'à l'avenir, les archontes seraient choisis en dehors d'elle, et que cette dignité serait accessible à tous les eupatrides. 40 ans encore après, pour affaiblir cette royauté, ou pour la partager entre plus de mains, on la rendit annuelle, et en même temps on la divisa en 2 magistratures distinctes. Jusque-là, l'archonte était en même temps roi. Désormais, ces 2 titres furent séparés. Un magistrat nommé archonte et un autre magistrat nommé roi se partagèrent les attributions de l'ancienne royauté religieuse. La charge de veiller à la perpétuité des familles, d'autoriser ou d'interdire l'adoption, de recevoir les testaments, de juger en matière de propriété immobilière, toute chose où la religion se trouvait intéressée, fut dévolue à l'archonte. La charge d'accomplir les sacrifices solennels et celle de juger en matière d'impiété furent réservées au roi. Ainsi le titre de roi, titre sacré qui était nécessaire à la religion, se perpétua dans la cité avec les sacrifices et le culte national. Le roi et l'archonte, joints au polémarque et aux 6 thémostètes, qui existaient peut-être depuis longtemps, complétèrent le nombre de 9 magistrats annuels qu'on prit l'habitude d'appeler les 9 archontes, du nom du premier d'entre eux. La révolution qui enleva à la royauté sa puissance politique s'opéra sous des formes diverses dans toutes les cités. À Argos, dès la 2e génération des rois doriens, la royauté fut affaiblie au point qu'on ne laissa aux descendants de Téménos que le nom de roi, sans aucune puissance. D'ailleurs, cette royauté resta héréditaire pendant plusieurs siècles. À Cyrène, les descendants de Batos réunirent d'abord dans leurs mains le sacerdoce et la puissance. Mais à partir de la 4e génération, on ne leur laissa plus que le sacerdoce. À Corinthe, la royauté s'était d'abord transmise héréditairement dans la famille des Bacchides. La révolution eut pour effet de la rendre annuelle, mais sans la faire sortir de cette famille, dont les membres la possédèrent à tour de rôle pendant 1 siècle. Quatrièmement, même révolution à Rome. La royauté fut d'abord à Rome, ce qu'elle était en Grèce. Le roi était le grand prêtre de la cité. Il était en même temps le juge suprême. En temps de guerre, il commandait les citoyens armés. À côté de lui étaient les chefs de famille, patresses, qui formaient un sénat. Il n'y avait qu'un roi, parce que la religion prescrivait l'unité dans le sacerdoce et l'unité dans le gouvernement. Mais il était entendu que ce roi devait sur toute affaire importante consulter les chefs des familles confédérées. Les historiens mentionnent, dès cette époque, une assemblée du peuple. Mais il faut se demander quel pouvait être alors le sens du mot « peuple » populus, c'est-à-dire quel était le corps politique au temps des premiers rois. Tous les témoignages s'accordent à montrer que ce peuple s'assemblait toujours par curie. Or l'écurie était la réunion des gens. Chaque gens s'y rendait encore et n'avait qu'un suffrage. Les clients étaient là, rangés autour du pater, consultés peut-être, donnant peut-être leur avis, contribuant à composer le vote unique que la gens prononçait, mais ne pouvait pas être d'une autre opinion que le pater. Cette assemblée d'écurie n'était donc pas autre chose que la cité patricienne, réunie en face du roi. On voit par là que Rome se trouvait dans les mêmes conditions que les autres cités. Le roi était en présence d'un corps aristocratique très fortement constitué, et qui puisait sa force dans la religion. Les mêmes conflits que nous avons vus en Grèce se retrouvent donc à Rome. L'histoire des 7 rois est l'histoire de 7 longues querelles. Le premier veut augmenter son pouvoir et s'affranchir de l'autorité du Sénat. Il se fait aimer des classes inférieures, mais les pairs lui sont hostiles. Il périt assassiné dans une réunion du Sénat. L'aristocratie songe aussitôt à abolir la royauté, et les pairs exercent à tour de rôle les fonctions de roi. Il est vrai que les classes inférieures s'agitent. Elles ne veulent pas être gouvernées par les chefs des gentes. Elles exigent le rétablissement de la royauté. Mais les patriciens se consolent en décidant qu'elle sera désormais élective, et ils fixent avec une merveilleuse habileté les formes de l'élection. Le Sénat devra choisir le candidat. L'assemblée patricienne d'écurie confirmera ce choix, et enfin les augures patriciens diront si le nouvel élu plaît aux dieux. Numa fut élu d'après ses règles. Il se montra fort religieux, plus prêtre que guerrier, très scrupuleux observateur de tous les rites du culte, et par conséquent, fort attaché à la constitution religieuse des familles et de la cité. Il fut un roi selon le cœur des patriciens et mourut paisiblement dans son lit. il semble que sous Numa, la royauté ait été réduite aux fonctions sacerdotales, comme il était arrivé dans les cités grecques. Il est au moins certain que l'autorité religieuse du roi était tout à fait distincte de son autorité politique, et que l'une n'entraînait pas nécessairement l'autre. Ce qui le prouve, c'est qu'il y avait une double élection. En vertu de la première, le roi n'était qu'un chef religieux. Si à cette dignité il voulait joindre la puissance politique, imperium, il avait besoin que la cité la lui conférât, par un décret spécial. Ce point ressort clairement de ce que Cicéron nous dit de l'ancienne constitution. Ainsi, le sacerdoce et la puissance étaient distincts. Ils pouvaient être placés dans les mêmes mains, mais il fallait pour cela double comice et double élection. Le troisième roi les réunit certainement en sa personne. Il eut le sacerdoce et le commandement. Il fut même plus guerrier que prêtre. Il dédaigna et voulut amoindrir la religion, qui faisait la force de l'aristocratie. On le voit accueillir dans Rome une foule d'étrangers, en dépit du principe religieux qui les exclut. Il ose même habiter au milieu d'eux, sur le Coelius. On le voit encore distribuer à des plébéiens quelques terres dont le revenu avait été affecté jusque-là aux frais des sacrifices. Les patriciens l'accusent d'avoir négligé les rites, et même, chose plus grave, de les avoir modifiés et altérés. Aussi meurt-il comme Romulus. Les dieux des patriciens le frappent de la foudre, et ses fils avec lui. Secours en l'autorité au Sénat, qui nomme un roi de son choix. Ancus observe scrupuleusement la religion, fait la guerre le moins qu'il peut, et passe sa vie dans les temples. Cher aux patriciens, il meurt dans son lit. Le cinquième roi est Tarquin, qui a obtenu la royauté malgré le Sénat et par l'appui des classes inférieures. Il est peu religieux, fort incrédule. Il ne faut pas moins qu'un miracle pour le convaincre de la science des augures. Il est l'ennemi des anciennes familles. Il crée des patriciens. Il altère autant qu'il peut la vieille constitution religieuse de la cité. Tarquin est assassiné. Le sixième roi s'est emparé de la royauté par surprise. Il semble même que le Sénat ne l'ait jamais reconnu comme roi légitime. Il flatte les classes inférieures, leur distribue des terres, méconnaissant le principe du droit de propriété. Il leur donne même des droits politiques. Servius est égorgé sur les marches du Sénat. La querelle entre les rois et l'aristocratie prenait le caractère d'une lutte sociale. Les rois s'attachaient le peuple, des clients et de la plèbe. Ils se faisaient un appui. Au patriarcat si puissamment organisé, ils opposaient les classes inférieures, si nombreuses à Rome. L'aristocratie se trouva alors dans un double danger, dont le pire n'était pas d'avoir à plier devant la royauté. Elle voyait se lever derrière elle les classes qu'elle méprisait. Elle voyait se dresser la plèbe, la classe sans religion et sans foyer. Elle se voyait peut-être attaquée par ses clients, dans l'intérieur même de la famille, dont la constitution, le droit, la religion se trouvaient discutés et mis en péril. Les rois étaient donc pour elle des ennemis odieux qui, pour augmenter leur pouvoir, visait à bouleverser l'organisation sainte de la famille et de la cité. À Servius succède le second Tarquin. Il trompe l'espoir des sénateurs qui l'ont élu. Il veut être maître de Rege Dominus Existiti. Il fait autant de mal qu'il peut au patriarcat. Il abat les hautes têtes. Il règne sans consulter les pairs, fait la guerre et la paix sans leur demander leur approbation. Le patriciat semble décidément vaincu. Enfin une occasion se présente. Tarquin est loin de Rome, non seulement lui, mais l'armée, c'est-à-dire ce qui le soutient. La ville est momentanément entre les mains du patriciat. Le préfet de la ville, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir civil en l'absence du roi, est un patricien, Lucretius. Le chef de la cavalerie, c'est-à-dire celui qui a l'autorité militaire après le roi, est un patricien, Junius. La famille Junia était patricienne. Ces deux hommes préparent l'insurrection. Ils ont pour associés d'autres patriciens, un Valerius, un Tarquin Collatin. Le lieu de réunion n'est pas Rome, c'est la petite ville de Collati, qui appartient en propre à l'un des conjurés. Là, ils montrent au peuple le cadavre d'une femme. Ils disent que cette femme s'est tuée elle-même, se punissant du crime d'un fils du roi. Le peuple de Collati se soulève. On se porte à Rome, on y renouvelle la même scène. Les esprits sont troublés, les partisans du roi déconcertés. Et d'ailleurs, dans ce moment même, le pouvoir légal dans Rome appartient à Junius et à Lucretius. Les conjurés se gardent d'assembler le peuple. Ils se rendent au Sénat. Le Sénat prononce que Tarquin est déchu et la royauté abolie. Mais le décret du Sénat doit être confirmé par la cité. Lucretius, à titre de préfet de la ville, a le droit de convoquer l'assemblée. Les curies se réunissent. Elles pensent comme les conjurés. Elles prononcent la déposition de Tarquin et la création de deux consuls. Ce point principal décidé, on laisse le soin de nommer les consuls à l'assemblée par centurie. Mais cette assemblée où quelques plébéiens votent ne va-t-elle pas protester contre ce que les patriciens ont fait dans le Sénat et dans l'écurie? Elle ne le peut pas, car toute assemblée romaine est présidée par un magistrat qui désigne l'objet du vote, et nul ne peut mettre en délibération un autre objet. Il y a plus. Nul autre que le président à cette époque n'a le droit de parler. S'agit-il d'une loi? Les centuries ne peuvent voter que par oui ou par non. S'agit-il d'une élection? Le président présente des candidats. Et nul ne peut voter que pour les candidats présentés. Dans le cas actuel, le président désigné par le Sénat est Lucrétius, l'un des conjurés. Il indique comme unique sujet de vote l'élection de deux consuls. Il présente deux noms au suffrage des centuries, ceux de Junius et de Tarquin Collatin. Les deux hommes sont nécessairement élus. Puis le Sénat ratifie l'élection. Et enfin les augures la confirment au nom des dieux. Cette révolution ne plut pas à tout le monde dans Rome. Beaucoup de plébéiens rejoignirent le roi et s'attachèrent à sa fortune. En revanche, un riche patricien de la Sabine, le chef puissant d'une gens nombreuses, le fier Attius Clausus, trouva le nouveau gouvernement si conforme à ses vues qu'il vint s'établir à Rome. Du reste, la royauté politique fut seule supprimée. La royauté religieuse était sainte et devait durer. Aussi se hâta-t-on de nommer un roi, mais qui ne fut roi que pour les sacrifices, Rex Sacrorum. On prit toutes les précautions imaginables pour que ce roi prêtre n'abusât jamais du grand prestige que ses fonctions lui donnaient pour s'emparer de l'autorité.